Dans la salle à manger, Céleste et Miette disposent des verres sur la table et Casimir débouche une bouteille de vin. Il y a tout de même un minimum de délicatesse. Oh, on essayait de tourner la chose en plaisanterie. Oh, et puis quoi, sa femme est partie. Mais il n'avait pas acheté, ça diminue pas son bien. Et de la façon qu'il le prend, on dirait qu'il a perdu un hectare. Hein. Vous n'êtes que de sympathiques brutes. Il reste bien longtemps à la cave. Eh bien, allez voir ce qu'il fait. Jésus, Marie-Joseph, s'il allait se détruire, mon Dieu. Tonin se lève et sort en hâte, suivi de Casimir. Dans la cave, le boulanger a réussi à attacher la corde à la poutre. Il est debout sur le tonneau. Il passe sa tête dans le nœud coulant. Antonin se précipite. Boulanger, ne te pends pas là, que la justice est déjà pendue, je te porterai malheur. Laisse-nous te parler d'abord, tu te pendras après, si tu veux. À ce qui arrive, tu le prends du mauvais côté. Tu le prends pas du bon côté. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Prends-le du bon côté. Fais un petit effort pour le prendre du bon côté. Si tu voulais tout le côté, je te parlerai seul. On entend soudain la voix du marquis qui crie dans l'escalier. On l'a retrouvé, ta femme! Le boulanger tressaille, pousse un cri, ferme les yeux et tombe. Pétugue et Casimir essaient fébrilement de dénouer la corde. Le boulanger dans les bras de Tonin s'agite violemment. Enfin, il ouvre les yeux. Dépendez-moi que je la vois encore une fois. Oui, oui.